إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله فإن أعظم نعم الله على عبده في هذه الدنيا أن يرزقه الهداية إلى صراطه المستقيم وبها بعد فضل الله يدخل المؤمن الجنة وينجو من النار serviteur d'Allah, certes, le plus grand des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur dans ce bas monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guider vers son droit chemin. Après la grâce d'Allah, c'est par celle-ci, par cette guidée, que le croyant entre au paradis et qu'il est sauvé du feu. Wa inna al-hidayata 'ibadallah an yajma' Allah subhanahu wa ta'ala li'abdihi bayna al-'ilmi an-nafi' wal-'amal as-salih. Fa faqidu al-'ilmi yatakhabbatu fi ad-dhalala wa faqidu al-'amali yatakhabbatu fi al-ghawaya wal-'amilu bi'ilmihi huwa sahibu al-hidaya. Et la guidée serviteur d'Allah désigne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse pour son serviteur la science profitable et l'œuvre pieuse. En effet, celui qui n'a pas la science patauge dans l'égarement et celui qui ne la met pas en pratique patauge dans l'erreur. Quant à celui qui met en pratique sa science, c'est lui qui détient la guidée. C'est lui qui détient la guidée. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْهِدَايَةَ فَضْلٌ يَتَفَضَّلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et sachez que la guidée est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il égare qui il veut, et guide qui il veut, et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هداية عبد من عباده شرح صدره ووسعه حتى يتسع لقبول الهدى وإذا أراد أن يضل عبدا ضيق عليه صدره حتى يضيق عن الهدى كما قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Ainsi, si Allah veut la guider d'un de ses serviteurs, il lui ouvre la poitrine et l'élargit afin qu'elle soit assez large pour accepter la guider. Et s'il veut égarer un serviteur, il rend sa poitrine étroite afin qu'elle soit trop étroite pour la guider. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدًا حَتَّى وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ قَلْبَكَ وُضِعَ فِي يَسَارِكَ وَوُضِعَ الْخَيْرُ وَالْهُدَى فِي يَمِينِكَ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُفَرِّغَهُ فِي قَلْبِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَضَعُهُ فِيهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ. La guidée est donc entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et même si on supposait que ton cœur soit déposé dans ta main gauche et que le bien et la guidée soient déposés dans ta main droite, alors tu ne pourrais jamais les déverser dans ton cœur, et ce jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui les dépose dedans, comme l'ont dit certains parmi les prédécesseurs. Ibad Allah, idha kanat al-hidayatu bi yadi Allah subhanahu wa ta'ala fa inna 'ala al-'abdi an yahrisa wa yajtahida fi su'ali Allah subhanahu wa ta'ala يسأله الهداية ويسأله الثبات على الهداية ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الزيغ بعد الهدى كما قال سبحانه وتعالى معلما عباده سهاله الهداية اهدنا الصراط المستقيم وقال سبحانه وتعالى معلما عباده الاستعاذة به من الزيغ بعد الهدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Serviteur d'Allah, si la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur doit alors désirer et faire des efforts dans la vocation d'Allah. Il lui demande la guidée, il lui demande la fermeté sur la guidée et il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'égarement après la guidée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, enseignant à ses serviteurs la demande de la guidée, selon la traduction des sens rapprochés, « Guide-nous sur le droit chemin. » Et il a dit, enseignant à ses serviteurs la demande de refuge auprès de lui contre l'égarement après la guider, « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. » وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم واهدني ويسر الهدى لي رواه الترمذي. Et il faisait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les deux prosternations qu'il disait « Oh Allah, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, guide-moi et accorde-moi ma subsistance. » Et il faisait partie de ces invocations sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait « Guide-moi et facilite-moi la guider, guide-moi et facilite-moi la guider. » Et ces deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت رواه النسائي. Et il faisait partie de ces invocations d'ouverture de la prière de nuit qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam « Guide-moi au sujet de ce sur quoi on a divergé au sujet de la vérité. Tu guides certes qui tu veux vers un chemin droit. » Et il faisait partie de ces invocations d'ouverture de la prière qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam « Oh Allah, guide-moi vers les meilleurs comportements et les meilleures œuvres, car personne n'y guide en dehors de toi. » تأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو ربه أن يهديه كيف كان يدعو ربه أن يهديه فما بالكم بنا نحن المساكين الضعفاء فعلينا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا على الهدى. Méditez sur la situation de notre prophète صلى الله عليه وسلم et comment il invoquait son Seigneur pour qu'il le guide, alors que pensez de nous qui sommes misérables et faibles, que pensez de nous qui sommes misérables et faibles. Nous devons donc faire des efforts dans la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide et qu'il nous raffermisse sur la guidée. Ibad Allah, man arada al-huda fa'alayhi bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qal dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin wa qala subhanahu wa ta'ala munawwihan bi shahni kitabihi al-karim ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifahun lima fi s-sudur وهدى ورحمة للمؤمنين فأقبلوا عليه عباد الله تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وتفقها في أحكامه وعملا به. Serviteur d'Allah, celui qui cherche la guidée doit s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a dit selon la traduction des sens rapprochés, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Et il a dit subhanahu wa ta'ala en exaltant son noble livre selon la traduction des sens rapprochés, oh vous les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Appliquez-vous donc à réciter ces versets, méditez ces sens, étudiez ces règles et mettez-le en pratique au serviteur d'Allah. ومن اراد الهدى فالهدى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم فعليك يا عبد الله بدراسة السنة النبوية والتفقه فيها والعمل بها. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اي لم يهتدي للحق بل ضل الضلال البين الواضح والعياذ بالله. Et celui qui cherche la guidée, alors elle se trouve dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc, au serviteur d'Allah, étudier la sunna prophétique, t'instruire à son sujet et la mettre en pratique. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est certes égaré d'un égarement évident. C'est-à-dire qu'il n'est pas guidé à la vérité, mais qu'il s'est égaré d'un égarement clair et évident. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهداني هما المصدران الصافيان للهدى بهما تصلح القلوب والاعتقادات والعبادات والأخلاق وبهما يصل العبد إلى الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي يهديهم في الآخرة إلى الجنة بإيمانهم الذي كان في الدنيا. Le Coran et la Sunna Hana sont donc les deux sources pures de la guidée. Ce sont donc les deux sources pures de la guidée. C'est par eux que deviennent meilleurs les cœurs, les croyances, les adorations et les comportements. Et c'est par eux que le serviteur atteint le paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi. Les ruisseaux couleront en dessous d'eux dans les jardins du délice. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les guider dans l'au-delà vers le paradis de par leur foi qu'ils avaient ici-bas. والهداية المقصودة هي الهداية للتوحيد الخالص الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله فأعظم الهداية عباد الله أن تكونوا من الموحدين كما أن الشرك هو أعظم الضلال قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et la guidée qui est recherchée est la guidée au monothéisme, la guidée au tawhid pur, qui est l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et le désaveu de l'association et de ses adeptes. La plus immense des guidées est donc que tu fasses partie des monothéistes, que tu fasses partie des muwahidin, tout comme l'association et Abdullah est le plus grave égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, quiconque donne des associés à Allah s'est certes égaré très loin dans l'égarement. Et il a dit selon la traduction des sans se rapprocher, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, c'est-à-dire par l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. ثم الهداية عبد الله هي الهداية إلى السنة والسلام من البدع فمن عاش على السنة ومات عليها فقد مات على الخير كله كما قال الإمام أحمد رحمه الله وقال معتمر بن سليمان دخلت على أبي وأنا منكسر فقال ما لك قلت مات صديق لي قال أمات على السنة أمات على السنة قلت نعم فقال فلا تخاف علي. Vient ensuite la guidée à la sunna et le fait d'être prémuni des innovations. Quiconque vit sur la sunna et meurt sur la sunna est certes mort sur le bien tout entier, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Et Mu'tamir ibn Sulayman a dit, je suis entré auprès de mon père alors que j'étais affligé. Il m'a dit, qu'as-tu ? Je lui ai dit, un ami à moi est décédé. Il m'a dit, est-il mort sur la sunna ? Est-il mort sur la sunna ? Je lui ai dit, oui. Il m'a alors dit, n'aie donc pas peur pour lui. N'aie donc pas peur pour lui. ثم الهداية عباد الله هي الهداية إلى فعل الطاعات وترك المعاصي فمن اتقى الله بفعل الأوامر قدر استطاعته واجتناب المعاصي فقد اهتدى قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Vient ensuite au serviteur d'Allah la guider vers l'accomplissement des obéissances et le délaissement des désobéissances. Ainsi, quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant les ordres autant qu'il peut et en s'écartant des désobéissances, il est certes guidé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense et nous les aurions certes guidés vers un droit chemin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن الهداية إلى الصراط المستقيم مع أنها بيد الله سبحانه وتعالى فلها أسباب أعطى الله سبحانه وتعالى العبد القدرة على فعلها وسأذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. Au serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que même si la guidée vers le droit chemin est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a des causes et Allah a donné aux serviteurs la capacité de les accomplir. Je vais donc évoquer certaines d'entre elles, inshallah ta'ala. فمن أسباب الهداية صدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بينها وبين عبادته وحده كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. On compte donc parmi les causes de la guidée le fait d'être véridique dans la demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah l'a réuni avec son adoration dans sa parole, selon la traduction aux sens rapprochés. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Wa min asbab al-hidayati ibadallah mujahadatu an-nafsi bihamliha ala ta'allumi al-ilmi an-nafi' wal-'amali bihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Et parmi les causes de la guider, ô serviteur d'Allah, le fait de lutter contre son âme et de la pousser à l'apprentissage de la science profitable ainsi qu'à sa mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Wa minha ya ibad Allah كثرة التوبة والرجوع إلى الله في كل وقت وحين كما قال الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Et parmi elles, ô serviteur d'Allah, le repentir abondant et le retour vers Allah à tout moment et à chaque instant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés: Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. ومنها صعبة أهل الالتداء فمن كان لا يصاحب إلا المسلم السن يتقي فعسى أن يكون من المهتدين لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كما قال صلى الله عليه وسلم. Et parmi elles, parmi les causes de la guider, la fréquentation des gens bien guidés. En effet, celui qui ne fréquente que des musulmans sunnites et pieux, on espère qu'il fasse partie des bien guidés, car l'homme est sur la religion de son ami intime que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend comme ami, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.